Troisième Nouvelle, les offrandes à la Vierge. Vallée du Lubaï, chapitre 1er. Lorsque le père Coste sortit de la sacristie pour pénétrer dans l'église de l'Arche, le jour venait à peine de se lever et la nef était encore tout enténébrée. Seul l'arrière de l'autel, en dessous des vitraux, était visible puisque situé à l'est. Même par beau temps, il fallait que le soleil s'élève au-dessus de la montagne qui barrait la vallée à l'est pour dispenser la chaleur de ses rayons jusqu'au Lozay et bien plus loin, alors que du côté de l'Italie, vers l'Orient, la plaine était déjà ensoleillée. « Il ne fait pas chaud, » remarqua le curé en retournant dans la sacristie. Il en revint avec une couverture jetée sur ses épaules. « Dites, Seigneur, vous ne gâtez guère avec le temps. Pourquoi êtes-vous si dur avec les gens d'ici? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait ?» On était en effet le 6 septembre 1865 et déjà, plein d'impatience, l'hiver tapait du pied et grattait à la porte. Après plusieurs génuflexions devant l'autel, le père se mit à genoux et commença à prier. En cette heure matinale, il avait l'impression d'être seul avec Dieu, qui n'avait d'oreille que pour lui seul. Ses prières du matin étaient personnelles. Il implorait la grâce du Seigneur pour sa famille restée là-bas, en Bretagne, pour ses ouailles, qu'il avait en grande affection, et enfin pour lui-même, afin que Dieu continuât à lui accorder une bonne santé, essentielle à l'accomplissement de sa mission. Lorsqu'il se releva, enfin tenta de se relever plus tôt, son âge se rappela à son bon souvenir. Il eut soudain une conscience très claire de sa destinée future. Il mourrait à l'Arche, peut-être un matin comme celui-là, le nez par terre, après une attaque. Dans le fond, ce serait une belle mort, non ? Sous le regard du Seigneur. Il se retourna et contempla la nef, encore bien sombre. Son église n'était pas un chef-d'œuvre d'architecture, mais avec son clocher carré qui dominait tous les toits du village et se voyait de loin dans la vallée, elle était solide. Puis, c'est dans le cœur des fidèles qu'est la véritable église, se disait-il. Alors, elle est très belle, mon église. Les premiers temps de sa prise de fonction, il avait pris sa nomination comme une punition. Sa précédente cure, Avignon, était un paradis. Pourquoi l'avoir exilé dans cette montagne froide et inhospitalière ? Il sut par la suite que l'archevêque avait joué aux chaises musicales. Un prêtre âgé à récompenser, d'où nécessité de créer une vacance en déplaçant un curé, qui ne demandait rien mais qui pouvait supporter le climat. Voilà, c'était tombé sur lui. Quoi qu'il en soit, désormais, il avait décidé de rester ici et de refuser catégoriquement toute autre cure. Il n'avait plus l'âge de jouer aux petits soldats. Soudain, son attention fut attirée par une lueur sur la gauche, du côté de l'autel de la Vierge. C'était un halo dont la source semblait provenir du sol, mais un des piliers de la nef lui cachait cet autel. Il s'approcha et eut la surprise de découvrir sur le sol un corps étendu éclairé par une chandelle brûlant près de la tête. Il s'agissait d'une jeune fille ou d'une jeune femme, allongée sur le dos, les mains jointes sur le ventre. Avant que de réveiller cette personne, le père Coste se rendit dans la sacristie et en revint avec une lampe à pétrole dont il monta la mèche. Il s'agissait bien d'une jeune fille qui semblait dormir paisiblement. « Elle doit avoir froid, » murmura le père, « surtout sur le pavé glacé de l'église. » Il la secoua doucement. « Réveillez-vous, ma fille, vous allez attraper la mort, les dalles sont bien trop froides. » Ce n'était pas la première fois qu'il découvrait des misérables qui avaient pénétré dans l'église où il savait trouver le gîte, mais, malheureusement, rarement le couvert. Il lui arriva même d'en trouver mort d'épuisement, ou, justement, de froid. Coste posa sa main sur la tête de la jeune femme. De toute évidence, elle était glacée. Il remarqua que sa tête reposait sur une étoffe roulée qui lui servait d'oreiller. Ses mains serraient un crucifix, une fleur, sortie d'on ne sait où, était passée entre ses doigts. Elle a dû s'arranger pour la nuit, allumer une bougie pour ne pas avoir peur et s'est endormie bien paisiblement. Un rapide coup d'œil aux vêtements et aux souliers de la fille lui apprit que ce n'était ni une mendiante ni une vagabonde. Dans ses campagnes, posséder des bons souliers n'était pas l'apanage de tout le monde. Quant au reste des vêtements, la jupe de grosse laine était en bon état, les bas ne semblaient pas troués, et le fichu devait être bien chaud. Elle va attraper froid, redit le prêtre. Il faut la réveiller. Mais il n'y parvint pas. La pâleur marmoréenne du visage, les cernes légèrement bleutées, l'expression si abandonnée, le poussèrent à reconnaître avec effroi qu'elle était morte. Gosse n'était plus jeune, et à son âge, certaines idées demandent quelque temps pour que l'esprit atteigne leur pleine compréhension. En un éclair, plusieurs questions l'assaillirent avant qu'il ne réagît physiquement. D'après son vêtement, cette fille avait certainement un chez-soi. Elle n'avait pas de bagages. Pourquoi était-elle venue dormir ici? S'était-elle enfuie? En promenant la lampe au-dessus du corps, le père Coste remarqua que la jupe était bien bouffante sur le devant. Son intuition le poussa à pratiquer une prudente palpation qui lui apprit que la fille était bien enceinte. « Mon Dieu, Jésus-Marie, il ne faut pas la laisser comme ça !» Se disant, il courut vers la sacristie, enfila son manteau sur le chemin et alla toquer à la porte du local jouxtant la mairie, de l'autre côté de la place, local occupé provisoirement par les gendarmes pour juguler la contrebande. Bouleversé par sa découverte, il finit par tambouriner sans ménagement. On lui ouvrit enfin, et dans sa précipitation, il attrapa un gendarme par le bras pour l'entraîner vers l'église sans autre explication. Une fois devant le corps de la jeune fille, il lui dit enfin « Voilà, elle est morte, la pauvre. Je vais chercher une autre lampe. » Intrigué par le départ précipité de son collègue, un deuxième gendarme ne tarda pas à apparaître. De prime abord, les conclusions des deux hommes furent les mêmes que celles du père Coste. Ils remarquèrent en plus que la fille devait être mariée, puisqu'elle portait une alliance.